Épisode un peu tardif, mais épisode tout de même, on va parler des jeux européens. Mieux vaut pas un épisode tardif que pas d'épisode du tout. On aimerait se dire la même chose avec les médailles d'or françaises, malheureusement. On attend encore, on débrief les troisièmes jeux européens tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21 Shuttle Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. I'm the bad guy. Take that! J'ai pas d'intro, mais de toute façon, vous savez avec qui je me trouve comme d'habitude, c'est Benoît. Salut Benoît! Salut Ewan, bonjour à tous. On va faire les... Je vais pas te demander ton avis sur la compétition parce qu'on va faire tableau par tableau et on fera peut-être un avis général après. Peut-être juste Benoît, si pour commencer... Les jeux européens, c'est pas quelque chose qui parle beaucoup. Comme j'ai dit, c'est la troisième édition et quand t'es fan de BAD, c'est pas la compétition que t'attends tous les ans. Là, c'était clairement pas la même compète en termes de niveau que les deux années d'avant. Qualification olympique oblige. Ouais, c'est vrai que c'était qualification olympique, puis on sent qu'il y a quand même un truc qui se crée autour de cette compétition. En vrai, je pense que il y a du boulot qui a été fait pour la développer et ça, c'est cool. Mais ça m'a pas empêché de regarder du Tech Ball cette semaine. Oui, parce que c'est vrai que évidemment, du coup, on va parler que du bad, mais il y avait un peu de tout. Et Benoît, de tout, c'est savez, bon, ouais. Oui, voilà, vous savez comme il s'est dit le badminton c'est trop populaire, je vais mettre un truc encore plus obscur. Donc, si dans 2 mois il quitte le podcast pour aller faire un podcast de Tech Ball, vous saurez pourquoi. Voilà, et oui, bah, je voulais juste préciser ça parce que c'est vrai que les autres années, bon, je sais pas si on aurait fait un podcast par exemple pour la première édition en 2015. Non. Voilà, la deuxième peut-être un peu plus puisque pour rappel, notamment en simple homme, Brice Leverdez avait fait médaille d'argent. Allez, on va attaquer par le simple homme justement, et on va commencer par les Français tout simplement. Ils étaient deux dans ce tableau, Thomas Junior et Christo Popov. On va commencer par qui ? On va commencer par Christo, tiens. Alors lui, il était dans le groupe E. Il a battu d'abord Philippe Spoliarek, ensuite Mathieu Abela de Malte et ensuite Gergo Pitel de Hongrie. 3 victoires vraiment très très rapides, jamais plus de 31 minutes. Benoît, c'était juste pour le signaler parce qu'il n'y a vraiment rien à dire. Autant il y avait des groupes un peu piégeux, autant Christo, il a pris le groupe le plus facile qu'il aurait pu avoir et tant mieux pour lui. Bah, c'est le groupe le plus facile tout court en vrai, je pense. Il y avait vraiment zéro piège quoi. Enfin, c'était Il n'y a rien à dire. Là, on va parler d'un autre joueur qui a eu que des pièges. Mais là, ouais, c'était même pas. Enfin, il n'y en a aucun qui pouvait où on se disait, ouais, ça peut être dangereux. Non, clairement pas. Chez son frère, niveau un peu plus relevé, mais pas beaucoup quand même. Thomas Junior a battu l'Estonien Karl Kert, 21-13, 21-6. Le Suisse Tobias Quenzi, 21-15, 21-13. Je pense celui qui a le plus de niveau dans cette poule. Et après, à la fin, il a atomisé le Portugais Bernardo Attilano, 21-6, 21-8. Bon, Benoît, un petit peu plus difficile que son frère sur le papier, mais vraiment pas beaucoup. Ouais, un tout petit peu plus dur, mais bon, voilà, clairement, ils ont quand même hérité de deux tirages très très faciles. Voilà, après, il faut les gagner, ouais, ces matchs-là. Ouais, on ne diminue pas leur mérite et félicitations à eux. Comme vous l'avez compris, les phases de poule, on va pas traîner et parfois même les passer totalement, je pense. Cependant. Il faut qu'on parle d'un cas. Tu as fait référence il y a un instant quand tu parlais d'un joueur qui a eu une poule très très piégeuse. Ce joueur, c'est Anders Antonsen, tête de série 2, tenant du titre et grand favori pour la finale, on va dire, et peut-être mec on pensait qu'il pouvait battre Axelsen. En plus, sur une bonne forme, Antonsen, si je vous dis tout ça, c'est que il n'a pas passé les poules. Ça avait pourtant très bien commencé puisqu'il a atomisé le Turc Emre Lale, 21-12, 21-9. Ensuite, grosse surprise déjà avec sa défaite contre le Suédois Borostedt, 21-19, 21-19. Et ensuite, il gagne contre le Finlandais Kalle Koljonen, mais il lâche le premier set 21-15. Derrière, il gagne 21-15, 21-17. Et oui, mais dans cette poule, en fait, vu que Koljonen avait battu Borstedt, ce qui se passe, c'est que trois joueurs sont à deux victoires et une défaite. Mais Anders Antonsen perd au 7 average, puisqu'il en a gagné 4 et perdu 3. C'est donc le Suédois, le Finlandais et ensuite le Danois. Dans l'ordre, un trio scandinave, Benoît, où on pensait pas que celui des trois qui serait éjecté, ce serait Antonsen. Grosse, grosse, grosse surprise. Et comme on le disait au moment où c'est arrivé, d'autant plus surprenant que là, on n'avait plus le Antonsen récemment qui revenait de blessure. On avait le Antonsen qui recommençait à avoir un vrai, vrai, vrai niveau. Ouais, clairement, je pense que personne n'avait été parti sur cet ordre-là pour les joueurs scandinaves. Énorme surprise, énorme déception. Et c'est un peu aussi le Antonsen qu'on n'aime pas voir, en fait. Parce qu'on sait qu'il est capable de ça et... Mais c'est vrai que, enfin, en fait, même après coup, après avoir vu les matchs et tout, j'arrive pas à l'expliquer parce que, enfin, le Antonsen des dernières semaines, c'était un Antonsen qui allait en finale tous les jours. Enfin, j'arrive, même après avoir vu les matchs et tout, j'arrive pas à l'expliquer. Alors, il a eu la poule la plus difficile, clairement, Bürostedt et Koljonen. C'est, pour moi, c'est deux des pires poisons en Europe qui existent. Vraiment, hein. Tu les prends sur un tableau de championnat d'Europe, t'es deg aussi, quoi. Ouais, Koljonen, on le connaît pas mal, il a fait des bons résultats, il a une médaille européenne déjà. Et Borstedt, il s'entraîne avec Axelsen, me semble-t-il. Régulièrement. Régulièrement, il a beaucoup progressé ces derniers temps. Donc, c'est des poils à gratter. Ouais, voilà, poule très difficile. Après, ben non, on va pas se mentir, même avec poule très difficile, on pensait jamais que Antonsen allait lâcher rien qu'un match, quoi. Non, c'est clair. Moi, j'aurais plutôt aimé voir un Tommy Popov dans cette poule, tu vois. Avec des vraies références, mais jamais, en me disant que ça aurait été plus dur pour Tommy, mais Victor, enfin, pas Victor Axelsen, Anders Antonsen, jamais j'aurais imaginé qu'il puisse même lâcher des sets, tu vois. C'est une énorme surprise, très clairement. Hein. Oui, parce qu'en plus, Benoît, vu les points à prendre sur cette compétition, il n'y a vraiment pas de raison qu'il soit venu en claquette, quoi. C'est pas justifiable comme ça. Non, c'est pas ça. Puis c'est pas le style du bonhomme, c'est une énorme contre-perf de Anders Antonsen. Oui, c'est ça. Il n'est pas trop sorti dans la presse, ni sur les réseaux sociaux, je pense que... J'ai hâte de l'entendre là-dessus. Ouais. J'ai hâte de l'entendre là-dessus. C'est vrai qu'Antonsen, en plus, même, on l'a vu, hein, lui, quand il n'était pas à 100% ou blessé, il a toujours préféré déclarer forfait. Ouais. Donc là, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc voilà, d'autant plus étonnant. On n'a pas, comme l'a dit Bedo, on n'a pas d'explication. C'est ça qui est assez surprenant. Donc là, on passe sur, du coup, deux sortants par poule de 4, on l'a pas précisé. Derrière, on part sur des huitièmes de finale, quart, demi, finale, vainqueur, un format de tournoi, pardon, plus classique. Parlons de Tomáš Junior Popov, donc qui joue contre le Hongrois Pitel, qui avait joué son frère en poule, et ben lui, il le joue en quart et en huitième, et il lui met un peu le même tarif, 21-8, 21-14. Derrière, perf solide contre Julien Carragui, le Belge, 21-16, 21-15, et il perd en demi contre Victor Axelsen, dont on n'a même pas encore parlé, Victor Axelsen. Mais il est bien là, hein, il est bien là en tête de série 1 à mettre des tôles à tout le monde jusqu'à temps qu'il joue Tomáš Junior Popov. Parce que, Benoît, il y a eu un vrai match entre Tomáš Junior Popov et Victor Axelsen. Un deuxième set, on aurait aimé que ça tourne autrement, puisque le Français menait 16-13, je crois. Ouais. Ça faisait la dernière fois qu'il s'était joué, c'était à la Thomas Cup et ça avait fait grosse raclée et je voyais pas Thomas Junior pouvoir embêter Axelsen comme peut le faire par exemple son frère. Je parle moins de niveau que de profil, mais force est de constater que il a fait vraiment un vrai bon match Tomáš Junior Popov et c'est dommage qu'il soit pas un peu plus récompensé au moins par un set quoi. Ouais, il a fait un vrai bon match, il mérite de prendre un set, mais en fait, c'est un peu problématique dans le sens où Axelsen, c'est pas exactement le même profil, mais il y a quelque chose de très proche avec un mec qui fait tout mieux que toi. Et c'est aussi c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que Christo, il a d'autres armes à montrer à Axelsen. Et pour Tomáš Junior Popov, c'est compliqué, je trouve, d'espérer quoi que ce soit. Et pourtant, il fait un vrai match. Il va prendre les points d'une demi-finale d'équivalent Super 500. C'est beaucoup de points et tout, mais je pense que dans le jeu aussi, c'est. Bah, pour lui, c'est quand même quelque chose de se dire qu'il a accroché Victor Axelsen, quoi. Ouais, c'est clair. C'est une progression, parce que, hein. Au final, c'est un peu frustrant parce que sur ce match, je trouve que Thomas Junior Popov, il laisse une très bonne impression. Mais au final, c'est dur de le juger sur cette semaine parce que avant Axelsen, on va pas se mentir, il a pas joué grand monde de son niveau à lui. Et même là, Axelsen n'est pas à son niveau à lui, il est bien au-dessus. Donc bon, après, c'est le truc des... En Europe, on sait qu'il y a des grosses différences de niveau, mais voilà, au moins Benoît, j'avais envie de dire, s'il avait pris une tôle comme il a pris récemment contre Axelsen, on aurait vraiment dit, bon bah, il a joué personne, et quand il a joué un vrai joueur, il a pris une raclée. Là, il laisse quand même une bonne impression au niveau du jeu, je trouve. Ouais, bah, c'est exactement ça, c'est que il va mieux ces dernières semaines, et il montre aussi de plus en plus, je trouve, qu'il est capable d'accrocher des top joueurs, même avec des profils qui lui conviennent pas forcément. Et c'est le bon moment pour le faire, certes, mais ça montre aussi que bah, il continue de progresser. C'est clair. De l'autre côté, Christo avait une partie tableau qu'on pensait peut-être un peu plus dégagée sans Antonsen, mais vraiment piégeuse. Il s'en sort de justesse contre Jan Lauda, le Tchèque, 23-21, 21-19. Est-ce que tu veux dire un mot de ce match, Benoît, ou on enchaîne direct avec celui d'après? Non, on peut enchaîner, on va avoir beaucoup de choses à dire. Voilà, il joue en quart contre Marc Kallio. Alors, on savait pas trop à quoi s'attendre Marc Kallio, on était resté sur la gigantesque tôle qu'il avait pris contre Arnaud Merclet récemment. Et match complètement fou, 21-6, 9-21, 25-23, donc... Après le premier set, on se dit, bon, ok, le Hollandais, il est pas dedans, Christo, c'est bon, la demi, il va y aller et tout. Il lâche très vite le deuxième set, je trouve, le Français. Et après, troisième set d'anthologie où il y a eu de tout, tant en termes de jeu que de tout ce qu'il y a autour. Je vais te laisser en parler, peut-être ton avis sur ce match. Est-ce que le mot miracle est un peu exagéré? Je crois pas. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais on l'a vu prendre la porte plusieurs fois à Christo dans ce troisième set. Je dirais, c'est difficile de jauger ce match parce que pendant deux sets, le premier set c'est à sens unique, le deuxième t'as un peu l'impression que Christo il a pensé que ce serait facile, et en fait Kallio a clairement haussé le ton, et ce troisième set où il y a clairement des miracles qui se passent. Il y a la confrontation plus que sur le terrain entre les deux parce que ça a discuté fort. Il y a Christo qui a parfois joué avec les limites de ce qu'on peut accepter sur un terrain au niveau du fair play. Mais en même temps, bon, Kallio a pas non plus toujours été fair sur certains volants. Même si je sais que certains ont reproché l'attitude. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Et en même temps, c'est difficile de trouver une explication rationnelle sur le niveau de jeu, je trouve. C'est clair. On n'était pas du tout dans l'analyse de qui a le meilleur style de jeu, qui a le meilleur niveau. Ce match, c'était clairement pas ça. Ça s'est passé ailleurs. Voilà, exactement. Quand Benoît parle de miracle, je pense qu'il fait référence au fait que Christo sauve notamment un volant de match en mettant sa raquette. Enfin, c'est dur à décrire, mais pour contrer un rush de Kallio. Et qu'après, il le refait une fois pour se procurer un volant de match. Donc, il fait deux fois ça, ce qui arrive très rarement. Il le fait deux fois dans les points décisifs. Sur le volant de match, il met un fixe monstrueux pour croiser l'amorti, assez énorme, je trouve, de tenter ça à ce moment du match. Ça, c'est le côté plus de Christo. Moi, le côté moins, t'en as parlé un petit peu, mais son comportement, moi, j'ai vraiment du mal. Franchement, c'est vraiment gagner du temps tant qu'il peut. Je trouve que ce qu'il fait... Quand il retourne les services de Kallio, c'est vraiment pas fair play, franchement, d'attendre qu'en gros l'autre se serve pour montrer qu'il est pas prêt. Et quand, je crois qu'à un moment, le Hollandais rate un service et il fait genre il était prêt, alors que clairement pas. Ouais, il était clairement pas prêt. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, Benoît, mais je trouve que ça ternit vraiment. Moi, j'avoue que j'étais content que Christo gagne à l'issue de ce match. J'avais quand même un petit goût amer dans la bouche, tu vois. Ouais, moi pour moi c'est vite oublié, mais parce qu'aussi Kallio en vrai l'a fait plus discrètement parce qu'on s'est focus là-dessus, mais il a été boire à tous les points. Enfin voilà, je veux dire, c'est aussi l'arbitre a trop longtemps cautionné, et c'est ce qu'on répète régulièrement, d'un côté comme de l'autre. Christo pour son comportement aurait dû prendre le carton, mais Kallio allait boire après chaque point. L'arbitre il aurait dû dire à un moment donné, frérot, c'est pas ma faute si t'as 77 ans. On est là pour jouer au bad, et c'est un truc global, mais je comprends. Christo a été très border, et c'est vraiment Il a pris d'ailleurs son carton, hein, il me semble. Oui, il prend le carton, et c'est mérité. Oui, voilà, c'est mérité, mais ça n'a malheureusement pas freiné. Je sais pas, c'était trop tard ou voilà, où il aurait fallu sévir, mais ouais. Ça n'a malheureusement pas empêché de continuer. Et... Mais ouais, je trouve ça dommage. Après, Kallio est pas un enfant de cœur non plus hein, dans l'histoire. C'est ça aussi. Et c'est ce qu'on disait sur le Discord, c'est qu'il y a, il y a peut-être une limite aussi entre des mecs qui sont comme ça, un brin provocateur, et des mecs qui trichent. Parce qu'il y en a, très clairement. Je sais que ça a choqué quelques-uns quand j'ai parlé d'Axel Sen, mais on l'a vu plusieurs fois, plus que Border. Et en fait, je trouve qu'il y a peut-être qu'on peut, c'est un peu pour défendre Christo, mais il y a un peu une frontière entre être ce qu'il a fait et vraiment tricher. Maintenant, oui, ah, moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est de la triche qu'il fait. Pour moi, provocateur, c'est ce que fait, je sais pas, on en a pas tant que ça, mais. Tsukamulyo. Par exemple, Tsukamulyo, c'est pas un tricheur. Genre, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu tricher, tu vois. Ouais. Alors que là, faire semblant, enfin, essayer d'interrompre les services en faisant genre t'es pas prêt ou en essayant de gratter des points comme ça, ça c'est de la triche, tu vois. Genre, c'est pas de la provocation. C'est juste pour gratter des points et ça m'embête. Axel Sen, pour le coup, lui, il est pas dans la provocation. Par contre, il est pas toujours très fair play. Je suis d'accord avec toi, même si bon là, non, c'est non, pas il le... est pas provoque. Axel Sen, c'est pas un mec. C'est pas le autant c'est voilà. C'est pas le mec le plus fair du circuit. Mais je peux comprendre l'énervement, enfin la frustration qu'il y a eu autour de son comportement. Moi c'est ça. Ça ternit un peu cette perf où sur le terrain il est allé chercher contre un mec beaucoup plus expérimenté. Pour le coup, ça il faut louer, tu vois. Mais voilà. Ouais. Donc il a joué Misha Zilberman en demi, le vieux baroudeur israélien qui s'est sorti 23-21 au troisième en huitième et 21-19 au troisième en demi contre Bourgstedt. Et Benoît, en battant le Suédois, il a rendu un fier service aux Français, j'ai envie de dire, parce que derrière, il prend 10 et 14 en demi, allez hop, terminé. Même si... Ouais, il fait même pas un mauvais match, mais... Non, mais bon, il n'y avait pas match. Mais comme tu l'as dit, Benoît, il a déjà une médaille européenne, il a déjà une médaille au dernier jeu européen il y a 4 ans. Il sait gagner des matchs, l'ami Misha Zilberman, même si c'est pas toujours le mec que t'as envie de voir jouer. Il se bonifie avec le temps, hein. Voilà, c'est ça. Mais bon, Christo l'a détruit, c'est clair. Ouais, ça aurait été tellement bête de le perdre, mais moi j'avais un peu peur avant le match, mais rapidement on a vu que ça n'arriverait pas, franchement. Ouais, très clairement. Ouais. On n'a pas du tout eu le scénario fou qui aurait peut-être pu aider l'Israélien. On a eu un match bien calé, ou bien c'est le niveau qui prime, et là le Français était au-dessus. Direction la finale contre Axel Sen. Benoît, honnêtement, t'y croyais ou pas? Oui. Moi aussi, je pensais qu'il serait capable de rééditer ce qu'il avait fait aux Europes par équipe, en tout cas en termes de niveau. Je savais pas s'il gagnerait, j'y croyais moyen, mais ouais. Je te dirai juste après ce que je pense d'Axel Sen. On va juste parler du match gagné par le Danois. 16-21, 21-16, 21-11. Bon, on a clairement vu deux matchs. On a vu les deux premiers sets, où là c'était du 50-50 et ça a même été longtemps en faveur du Français. Et on a eu le dernier set où malheureusement, et c'est pas la première fois, Christo a craqué physiquement et le Danois avait fait le plus dur. Est-ce que du coup, si t'y croyais, est-ce qu'il y a de la frustration de ta part après ce match? J'imagine que oui, du coup. Ah, forcément, il y en a, parce que... Forcément, il y en a, parce que, encore une fois, pendant un set et demi, Christo, il a été meilleur que Victor Axelsen. C'est fou de se dire ça. Mais encore une fois, comme aux Europes par équipe, hein, vous pourriez réécouter, je pense qu'on a dit pas loin les mêmes choses, mais il y a eu physiquement un coup de moins bien. Axel Sen, il était tout le temps au même niveau. En fait, j'ai pas l'impression qu'il ait augmenté réellement son niveau, mais non. Christo a pour moi un peu baissé, tu vois, et c'est là où Axel Sen, tu sais très clairement qu'il va s'engouffrer dans la brèche. Je sais pas si tu l'as analysé de la même manière. Bah, un petit peu, alors que pourtant, moi je trouve que aux Europes il avait clairement monté de niveau, je trouve, Axel Sen. Une fois qu'il avait fallu sauver des volants de match et tout, Axel Sen avait vraiment serré le jeu. Alors que là, je trouve que moins que ça, je pense que vraiment, quand le Français a plus les jambes, Axel Sen il s'est entre guillemets contenté de mettre les volants dans le terrain. Ouais, et même dans le troisième set, il a pas été génial, Axel Sen, tu vois. Il a souffert, hein. Ouais, mais il n'y a pas eu besoin, quoi. Ouais, c'est là que c'est un peu frustrant en fait, parce que c'est lié plus à la baisse de régime de Christo, qui a été monstrueux pendant un set et demi, hein. Très clairement, ouais. Il a joué un niveau de top 10 mondial pendant un set et demi. Enfin, faisons pas semblant qu'il ne se soit pas passé ça, mais Christo, il a vraiment eu un niveau de malade pendant un set et demi. Et en vrai, t'avais forcément envie qu'il aille le chercher. Je pense que tout le monde y a un peu cru. Voilà, on va peut-être parler de revenir sur Christo après. Juste un mot d'Axelsen, Benoît. Ces derniers temps, et là je parle dernière semaine, on n'a clairement pas le Axelsen qui surdomine le circuit. Là je parle pas juste sur ce match, hein, mais globalement, on n'a pas du Axelsen à 200%. D'ailleurs, je crois que lui-même l'a dit, hein, il a dit qu'il n'avait pas été très bon, mais que l'important en gros c'était de gagner quand même, ce qu'il a fait. Mais voilà, on n'est pas sur du Axelsen imbattable pour l'instant. Non, on va voir sur la tournée, la reprise de la tournée en Asie et les mondiaux, mais bon, après voilà, il l'a dit, il marque l'histoire, il est champion d'Europe, vainqueur des Jeux européens, champion olympique, champion du monde en titre. Je crois qu'ils sont deux à l'avoir fait dans l'histoire de ce sport. C'est quand même monstrueux, surtout pour un Européen. Je pense que l'essentiel était là, il a pris tous les points. Mais attention à ce niveau-là, sur des championnats du monde, on sait que. Il y a beaucoup de matchs à gagner, il peut y avoir de grosses surprises et ça suffira pas, je pense. Voilà, donc première participation pour Axelsen aux Jeux européens puisqu'il était blessé il y a 4 ans. Et première victoire. Et pour Christo, Benoît, s'il y a du positif pour Thomas Junior, il y en a également beaucoup pour Christo. Qui montre que il va tenir la dragée haute à son frère pour la qualif olympique et que lui a le profil pour embêter des joueurs peut-être que son frère ne peut pas autant ennuyer, même si là il a été bon quand même contre Axelsen. Oui mais je le pense quand même, je pense qu'il a le profil pour il a battu Lokinyu non récemment Christo, ou je dis une bêtise? Oui à Singapour, alors qu'on sait que son frère a pas les armes. Alors je dis pas qu'il le battra jamais, mais les confrontations, regardez les scores, vous allez vite comprendre de quoi on parle. C'est un exemple. Axelsen, je pense, en est un autre, même si Axelsen, c'est encore un autre step. Moi, je pense vraiment que Christo a les armes. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont 24 et 28 au ranking tous les deux. À surveiller de très très près, parce que le niveau de Christo ces dernières semaines, s'il est laissé tranquille par sa cheville, c'est en train de devenir très très sérieux, comme on l'espérait et l'attendait finalement depuis un moment. Par contre, Benoît, si je devais dire un point négatif sur la perf de Christo, surtout là en finale, c'est qu'il a pas l'air d'avoir encore l'endurance pour tenir des matchs, des gros gros matchs en senior, sans avoir joué une énorme semaine. Comme le ferait son frère par exemple, et sans et avoir oui. joué, voilà. T'as pas joué Lokinyu en quart, j'en sais rien moi, Ginting en demi et Axelsen en finale quoi. Voilà, tu c'est enchaîner les perfs, c'est autre chose. Eh oui. Après, Benoît, peut-être que si il jouait pas en double, ce serait plus facile de s'économiser. C'est une transition, ça ? Allez, je comptais pas le faire, mais allez, c'est allez. Parti. Le double homme. I'm the bad guy. Take that ! Voilà, donc les pop-off, seule paire française engagée, puisque voilà, on en avait qu'une, ils étaient dans le groupe D. Premier match difficile contre les Polonais Bochat Cybulski, 128e mondiaux. Ils ont pris un set au Popov, le deuxième. Victoire 21-13, 16-21, 21-14. Ensuite, ils ont perdu contre les Écossais Don Hall, 21-13, 21-16, avant d'aller chercher la qualif contre les Tchèques Kral Mendrek, 21-12, 21-15. Benoît, j'allais dire... logique respectée, mais si la logique était vraiment respectée, ils auraient mis 2-7 aux Polonais. Oui. Après, j'aurais aimé avoir un peu plus contre Don Hall, mais bon, voilà. La chanson reste toujours la même. C'est une vraie paire de doubles. J'en ai bien conscience. C'est trop compliqué pour les pop-off. Ils sortent de poule, c'était l'essentiel. Il y avait des gros points à prendre, ils les ont pris. Voilà, surtout que les Polonais, ils ont quand même réussi à finir dernier de poule alors qu'ils ont pris un set au Popov et ils ont failli taper Don Hall aussi. Ils ont tapé les Écossais. Ils ont tapé Don Hall, ouais. Donc, assez. Ça aurait pu coûter cher au Popov, cette affaire. Oui, effectivement, exactement, puisque là, ils auraient pu se faire sortir. Ah oui. Alors, on va parler direct des quarts, ou alors Benoît, peut-être que tu as quelque chose d'autre à dire sur les poules, sur les autres, mais moi, j'ai pas l'impression. Non, c'est très bien que tu ailles directement au quart de finale. Voilà, on se sait. On va rester sur les pop-off. Quart a priori très défavorable contre les Allemands Lamsus Seidel. Pourtant, gagné par les pop-off. Ils perdent le premier 21-18, ensuite ils gagnent 21-11 et à 17-10, les Allemands abandonnent pour une blessure. de Seidel, ouais, je crois. Ouais, ouais, c'est ouais. Ça. Qu'est-ce que tu penses de ce match? Eh ben que Lamsus Seidel et Lamsus globalement, c'est très très tout est compliqué en ce moment pour lui pour eux. Parce que il y a ce premier set, mais puis t'abandonnes à 17-10. Mais la vérité, c'est que les Popov, ils ont fait une, enfin ils ont pris de vitesse pendant un set et demi, quasiment deux, une paire qui est top 15 mondial, qui était en tout cas. Et ça, j'ai du mal à le comprendre, surtout que oui, les Popov, ils ont du talent et tout. Il y a pas à dire, on le sait. Mais ils n'ont pas le niveau pour battre une paire top 15 mondiale. Ça, maintenant, on s'en est rendu compte de plus en plus. Et c'était pas juste un exploit, en fait. Et à la fois, c'est cool pour les Popov, mais à la fois, c'est inquiétant pour Lamsus Seidel, ce genre de performance qu'on a pu voir là. C'est clair qu'ils sont, ils sont plus au niveau, les Allemands, alors que pendant un moment, c'était la meilleure paire d'Europe, quoi. Donc, là, se faire sortir en quart comme ça... C'est cool pour les Popov, hein, parce que ça va faire du bien, très clairement, à la confiance. Ils gagnaient plus beaucoup de matchs, de gros matchs. Mais c'est tout aussi inquiétant que c'est cool pour l'une et pour l'autre paire. Quoi. Et derrière, défaite en 2-7 contre Lane Vendy, 21-15, 21-14. Ouais. Benoît, qu'est-ce que tu en penses? Juste avant peut-être que tu parles de ce que les Popov ont fait, Lane Vendy, il venait de battre 21-15, 21-15, juste avant les Hollandais Jille van der Leck, et après on reparlera de la finale. Lane Vendy, dont on se moque pas mal dans ce podcast, en ce moment, ils sont vraiment bons. Et là, là ils avaient mis une tôle au Popov récemment, et là ils les ont pas laissé espérer très longtemps non plus. Non, ils les ont pas laissé espérer, et c'est même mérité, j'ai envie de dire, pour Lane Vendy, moi je trouve. Médaille au championnat d'Europe l'année dernière, médaille aux Jeux européens cette année. Je trouve que en vrai on se moque, mais en Europe ça devient une valeur sûre. Ils gagnent très peu de matchs à l'international, trop peu à mon goût. À notre goût, mais en Europe, ça devient une valeur sûre. Et j'aurais été qu'à moitié surpris qu'ils aillent chercher le titre. C'est pas passé très loin, mais pour moi, il n'y a aucune surprise à ce qu'ils battent les Popov. Ils leur posent jamais de problème. C'est une paire contre qui ils ont du mal à trouver des solutions. Il y en a contre qui ils arrivent à prendre des sets, même des top paires mondiales. Mais Lane Vendy, c'est vrai qu'ils ont tout pour poser tous les problèmes possibles aux Popov. Enfin, c'est moi ce que je pense en termes de profil. En fait, le problème de Lane Vendy, c'est que leur progression... Elle est absolument pas linéaire. Genre, pendant un moment, ils étaient pareils, ils étaient bien. Et après, ouais, ils gagnaient pas un match, tu vois. Et même pas contre des top pairs. Hein. Des fois, ils perdaient des premiers tours qu'ils devaient jamais perdre, tu vois. Donc, bah après Orléans, l'année dernière, ouais, ça a été... ils ont pu gagner de match pendant 3 mois, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, c'est bien de sortir les muscles en Europe, mais bon, il faudra arriver à faire un petit peu mieux. Ouais, ouais. De l'autre côté du tableau. La demi-finale, c'était Don Hall contre Astrup Rasmussen, remporté par les Danois 21-13, 16-21, 21-10. Et finalement, Astrup Rasmussen gagne contre Lane Vendy en finale 21-15, 19-21, 21-19. Benoît, un mot sur le match peut-être? Un mot sur le match, ouais, c'était. Franchement, c'était la meilleure finale après le simple homme de Christo, bien sûr, mais. C'était pas le même jour, donc sur le jour de cette finale-là, moi j'ai vraiment, vraiment pris du plaisir sur cette finale. J'ai longtemps cru que Lane Vendy serait capable de le faire, mais t'as vraiment deux paires là, crackers, l'une face à l'autre. Et non, en vrai, c'était un bon match. Allez voir des replays, c'est un top match mondial même. Maintenant, Astrup Rasmussen aussi, vice-champion des Jeux européens il y a 4 ans, champion d'Europe l'année dernière. Oui, oui c'est des trucs comme ça, mais oui, si ils sont, oui, non, mais non, pas du tout. Attends, j'ai un doute parce que je sais qu'ils en ont perdu l'année dernière. Ils en ont perdu une contre Lamsus Seidel, mais je sais plus si c'est celle-ci ou si c'est avant. C'est en 2018 qu'ils sont champions d'Europe, donc okay. En 2021, ils perdent en demi. Je sais pas pourquoi j'avais en tête. Enfin bref, ils se construisent, ils ont quasiment tout gagné maintenant. Ils se construisent un vrai palmarès et je pense que eux aussi on se moque d'eux dans le podcast, mais à l'Europe c'est deux paires valeurs sûres. On sait qu'ils ont les armes pour aller gagner des matchs à l'international et on a envie de les voir plus souvent à ce niveau-là, l'un comme l'autre. Alors justement, Benoît, avis, est-ce que ça te dérange pas que la paire qui gagne quasiment tout le temps en Europe, ok, ils n'ont pas gagné tous les championnats d'Europe, mais là, ils ont encore montré qu'ils étaient meilleurs et tout. Est-ce que ça te dérange pas que cette paire-là, elle ne gagne quasiment aucun match à l'international? Et spoiler, tu peux copier-coller mon avis pour le double dame puisque c'est exactement le même. Ce qui est terrible, c'est que l'un, alors pour le double dame comme pour le double homme, ils ont eu gagné des matchs à l'international. Les deux. Oui, mais plus maintenant. Et justement, c'est des paires qui maintenant mettent plus un pied devant l'autre, mais qui en Europe restent incontestées. Ouais, ouais, ouais. Et ça me pose un peu problème, tu vois. C'est moins vrai, plus un pied devant l'autre pour Astrup Rasmussen. Mais en fait, ce qui me gêne aussi comme toi, c'est que eux, on voit que le niveau est là. Les Stoeva, c'est encore un autre sujet. Mais Astrup Rasmussen, on voit bien que le niveau, il est là, mais je sais pas s'il y a un blocage ou quoi. Mais je trouve, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je les trouve pas au fond du saut en termes de niveau de jeu. Hmm. C'est ça qui est assez inexplicable avec eux. Ouais, non, bah eux, il y a aussi un aspect mental, comme tu l'as dit. Bah voilà. Je vise personne, mais qui m'astrupe, va falloir t'acheter un mental. Allez, on change de tableau, bah tiens, on va rester sur le double avec le double dame. Aimez-vous le badminton ? Ah non ! Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Oh là là, les transitions, elles sont trop belles. Mais là, oh là là, on dirait presque que j'ai préparé l'épisode, alors que pas du tout. Parlons de la paire française encore, en l'occurrence Margot Lambert et Anne Tran. Elles étaient dans le groupe C, les françaises, et elles ont commencé par une victoire très facile contre les irlandaises Frost Ryan. Par contre, la vraie grosse victoire, c'est contre l'autre paire forte du groupe, on va dire, les favorites, les allemandes Effler Lau, et 21-16 en faveur des françaises. Benoît, moi je m'attendais pas à une victoire. Et surtout pas une victoire comme ça. Et ben, sache que moi, oui. Allez. Ben non, mais sans me vanter, ça confirme pour moi que Margot Lambert et Anne Tran, eh ben, c'est une paire top 3 en Europe. Et c'est pas Effler Lau. Ouais, bah après, il y a 4 mois, elles avaient pris 17 et 10 contre les mêmes Allemands. C'est vrai. C'est ça qui mais me... Je trouve qu'elles ont progressé, on l'a vu à l'international, même si elles gagnent peu, on l'a vu contre des grosses paires. Mais là, je trouve qu'on l'a vraiment vu dans le jeu. Moi, je les trouve plus constantes à l'échange, dans les longs échanges. Elles sont plus patientes. Alors, même si on reviendra sur le match contre les Stoeva, mais j'ai l'impression qu'elles ont vraiment travaillé sur cet aspect du jeu-là. Construire, attendre, être patiente. Et même s'il y a encore du boulot, je trouve qu'en Europe, en tout cas, ça leur permet de faire des différences, notamment face à ces paires-là. De toute façon, j'ai envie de dire que c'est un peu ça le double dame, tu vois. C'est vraiment beaucoup de constance et c'est ça que font les meilleures paires. Donc je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément. Voilà, c'est pas forcément le style de jeu qui fait le plus rêver, mais c'est clairement le plus efficace. Oui. Derrière, fallait pas se rater contre. Alors je sais même pas prononcer leur nom, mais Zo. S-J-O-O, les Suédoises. Oui. Elles se sont pas ratées. 21-7, 21-9, merci. Au revoir. Elles sortent premier du groupe. Je sais pas si c'était vraiment une bonne chose finalement. Bah non. Un bon arrangement de match à la chinoise là, je me demande si ça aurait pas été la meilleure solution. Bon après c'était pas un cadeau la partie basse quand même. Mais non, le niveau était beaucoup plus resserré. Oui. Tour un peu piégeux et la preuve il l'a été contre les écossaises McPherson Torrens en quart. Elles sont passées quand même, les Françaises, 21-13, 16-21, 21-13. Et derrière, pourquoi je dis que c'est une partie de tableau difficile ? Parce qu'il y avait le gros morceau, hein, les sœurs Stoeva, dont on a parlé tout à l'heure. Défaite, malheureusement, des Françaises qui ont pris le premier, 21-17. Derrière, elles perdent 21-14, 21-12. Où là, pareil, on a l'impression que physiquement, ça pêchait un peu, principalement du côté de Margot Lambert. Je trouve que, en fait, tu vois... Je sais pas si peut-être je vais dire n'importe quoi, hein. Mais j'ai l'impression que en termes de niveau de jeu, dans les gros matchs, son niveau de jeu au début de match il est toujours plus élevé qu'Anne Tran, mais à la fin elle finit toujours en dessous, tu vois, alors qu'Anne Tran est peut-être plus constante. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire et je pense qu'il y a une part de physique. Quand tu passes 1h10 contre McPherson Torrens la veille sur le terrain, et ben c'est trop. La vérité, c'est que c'est trop et que tu finis par le payer. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est que tu, même si j'ai bien conscience que c'est pas une paire nulle, mais en fait, il faut te donner un maximum de chance. Tu vas jouer les Stoeva qui sont physiquement des monstres le lendemain. Tu sais que si tu veux tenir 1h30 comme ça a été le cas, eh ben, tu dois aussi te préserver, t'éviter ce genre de piège. Et c'est un peu, à mon avis, ce qui leur a coûté, mais je suis d'accord avec toi sur le... Anne Tran, peut-être qu'au début, elle est plus constante sur l'ensemble d'un match physiquement, et du coup, peut-être elle tient mieux la durée. Je sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais je crois que je vois. Oui, c'est ça pour moi, ouais, exactement. Mais c'est un peu dommage parce que c'est aussi Margot Lambert qui fait les différences, donc. Bah voilà, et le truc c'est que tu l'as dit, hein, les Stoeva c'est des murs, c'est vraiment la perte qui va... Jours, hein. Bah oui, ça va tout te renvoyer, et je pense que la stratégie, enfin le match était écrit un peu d'avance, et malheureusement voilà, c'est pas passé pour les Françaises. Mais Benoît, malgré cette défaite, j'ai cru, quand je t'ai lu et un peu entendu, j'ai l'impression que t'en retires quand même du positif, ouais, notamment tu l'as dit un petit peu, mais au niveau du niveau de jeu des Françaises justement, il y a quand même des choses à retenir. Ah oui, il y a des choses à retenir. C'est que déjà, ça a été les seuls à mettre en danger autant les Stoeva. Vraiment, elles ont progressé, comme je le disais, contre les Allemandes, dans beaucoup d'aspects. Moi, je les trouve vraiment mieux. Et là, aujourd'hui, moi, je les vois capables d'aller à Paris, très clairement. Je les vois capables de gagner une médaille sur les championnats d'Europe, d'aller titiller les Stoeva, d'être au niveau de Frugarti-Gessen. Moi, je les vois vraiment à ce niveau-là aujourd'hui, Margot Lambert et Antran. Il y a encore du boulot, oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a encore une marge. Et ouais, franchement, beaucoup d'enseignements positifs et j'aurais bien aimé qu'elle gagne ce match parce que je trouve qu'elle le méritait. Et les Stoeva sont plus qu'elles étaient aussi, très clairement. Ça, c'est clair, mais ça suffit. En bas, il y avait trois paires potentiellement finalistes. C'était vraiment, vraiment ouvert. Et même celle qu'on ne pensait pas finaliste a finalement posé des problèmes. Puisque Yile Zainen, les Hollandaises, ont battu Maren Rüttel, les Estoniennes, 21-17 au troisième. Dans le même temps, même genre de match pour Effler-Lehaut, qui font quand même une grosse surprise. Elles perdent contre les Françaises en poule, et là, elles sortent Frugarti-Gessen 16-21, ouais. 23-21, 21-16. Derrière, par contre, elles perdent contre Yile Zainen 21-14, 19-21, 21-17. Et final, il n'y en a pas vraiment eu, puisque les Stoeva ont gagné 21-7, 21-17. Est-ce que tu veux dire un mot de tout ça, Benoît ? C'était sympa, franchement, cette partie basse de tableau, vraiment indécise, comme je l'ai dit. Même si les Danoises me paraissaient favorites sur le papier, elles sont bien passées à côté. Et Yile Zainen, c'est pas trop mal, hein ? Ouais, c'était une partie de tableau très très dense. Yile Zainen, pardon, c'est pas trop mal. Il y a franchement pas mal d'enseignements, même si bon, au-delà du résultat et des points pris, c'est Margot Lambert et Antran qui font une des meilleures affaires, c'est vrai. Mais on a vu beaucoup de choses dans cette partie basse et ça aussi confirme à mon goût que Frugarti-Gessen, c'est à peine une paire du top 20 mondial aujourd'hui. Ouais, alors que normalement, voilà, ça peut rouler, voilà. Ça peut rouler sur l'Europe hors Stoeva, quoi. Enfin, les concurrencés. À une époque, voilà. Moi, je trouve. Le fait qu'elle fasse pas finale là-dessus, c'est pas trop normal, ouais, c'est clair. Ouais. Benoît, on a fini avec le double dame ? Je crois que oui. On va donc passer au simple dame. Look at this, look at that. Alors, simple dame, beaucoup de choses à dire. On va commencer par le parcours de la française. Shishu Fei, qui donc a battu Sudimak, la Slovène, en poule, puis Svabikova, la Tchèque, et Rachel Dara, l'Irlandaise, tout en 2-7, même si contre Dara, elle a vraiment galéré 21-18, 24-22. Elle devait jouer Christine Kuba, l'Estonienne, en quart, malheureusement. Elle a, en huitième, pardon, elle a déclaré forfait à Benoît. Shishu Fei, qui a toujours les mêmes problèmes physiques qu'elle a tout le temps. Et là, jouer plus de 3 matchs, malheureusement, ce n'était pas possible. Ouais, message assez dur sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai senti. Résignée un petit peu. Elle se rend compte que son physique la limite. En même temps, elle va faire un huitième de finale. Diminuer physiquement, là où perso je vois aucune Française sortir de poule à part elle, c'est dur, honnêtement c'est dur, même si on verra peut-être jamais le plein potentiel de Shishu Fei et tout, tu souhaites à personne ce qui lui arrive, c'est difficile de digérer. Elle gagne 3 matchs en étant peut-être pas à 100% et elle est même pas capable de défendre ses chances, quoi. C'est pas facile. C'est pas facile pour elle, non, effectivement. Et c'est d'autant plus alarmant que nos chances de faire quoi que ce soit en simple dame reposent sur elle, alors qu'on sait très bien depuis qu'elle a la nationalité, elle est tout le temps blessée. Et c'est un peu triste. De toute façon, elle n'aurait pas passé Carolina Marin, mais au moins, voilà. Si elle avait perdu sur le terrain, on aurait compris. Oui. Assez intéressant ce tableau. À partir des quarts, c'était vraiment sympa. On avait des vraies bonnes joueuses partout. Mm-hmm. De qui on va parler, puisqu'il n'y a plus de françaises? Bah, parlons de Carolina Marin, puisque c'est elle qui a gagné. Alors, elle a perdu un set en poule, on le disait tout à l'heure, contre Stadelmann, la Suissesse. Derrière, croisière assez tranquille contre Kim Schmidt, la Hollandaise, puis contre Christine Kuba, puis contre Kirsty Gilmour. Là, elle a jamais pris plus de 13 points dans un set. Et en finale, elle bat Mia Blichfeld 21-15, 21-14. Benoît, c'était sympa. J'ai pas parlé de tout. Peut-être que je détaillerai un peu plus, mais pour revenir sur les matchs de Carolina Marin, qu'est-ce que t'en as pensé? Peut-être principalement la demi et la finale, quoi. Très solide face à des joueuses qui avaient atteint, je pense, déjà leurs objectifs. Kirsty Gilmour, la vérité, c'est que, vu les perfs de ces dernières semaines, l'avoir en demi-finale des Jeux européens, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup, ouais, effectivement. Et c'est la deuxième médaille pour elle, finaliste il y a 4 ans. Là, elle va chercher le bronze. Mia Blichfeld, titrée il y a 4 ans, là, elle va chercher l'argent, mais en même temps, tu te dis qu'elle a déjà aussi atteint ses objectifs. Carolina Marin, elle nous montre encore une fois qu'en Europe, personne n'est capable de la battre, mais elle nous l'avait déjà montré au championnat d'Europe. Mais je trouve avec une, je sais pas ce que t'en penses, avec peut-être plus d'aplomb que ce qu'on avait vu il y a un an. Ouais, c'est clair. Autant en demi, Carolina Marin, j'avais aucun doute qu'elle allait battre Kirsty Gilmour, parce que déjà, comme tu l'as dit, au-delà du niveau, Kirsty, son tournoi, il était fait. C'était pour moi inespéré qu'elle allait chercher une médaille, surtout en battant quand même Linkerfeld en quart. Donc vraiment pas facile. Et derrière, elle perdait 10-2, je crois, aux confrontations, en 9-2 avant ce match-là contre Carolina Marin. Elle a jamais vraiment su la battre. C'est ce qui l'a privé de titre européen, d'ailleurs. Par contre, Carolina Marin, pour moi, Mia Blichfeld, c'était une autre paire de manches. Et Benoît, pour être honnête avec toi, je pensais que Blichfeld allait gagner. Si j'avais dû mettre une pièce, je pense que je l'aurais mis sur elle. Ah oui, carrément, ok. Ouais, ou au moins, match beaucoup plus difficile, tu vois. J'étais en mode, si elle arrive à entamer Marin physiquement, on peut voir un autre match, tu vois. Mais finalement, on n'a jamais vu cet autre match. Ouais. Mais beau podium, hein. On ne l'a pas souligné, mais même Ginger Stadelmann qui prend un set à Marin. Moi, je trouve que c'est les 4 meilleures joueuses qui sont là, quoi. C'est vraiment un beau podium. Ouais, c'est ça. Donc Linkerfeld avait gagné il y a 8 ans. Mia Blichfeld, il y a 4 ans. Maintenant, Carolina Marin, un titre qui va lui faire du bien, je pense, et qui va lui permettre de prendre des bons points et qui montre, voilà, comme tu l'as dit, qu'elle est toujours la reine en Europe. Elle, je ne la mettrai pas dans la catégorie Stoeva Astrup Rasmussen, puisque elle a une histoire avec les blessures plus particulières. Et surtout, elle en gagne des matchs à l'international, même si elle ne gagne plus trop de titres. Voilà, ça c'était pour le simple dame. On va donc passer au dernier tableau qui nous reste, et pas des moindres, le double mixte. Oh my goodness! Alors, le double mixte, on va partir du côté des Français. Tom Jiquel et Delphine Delerue, qui étaient tête de série 1 quand même, il faut le noter. Ils étaient donc dans le groupe A, et ils avaient eu un groupe, on va dire, assez cadeau. Oui. Oui, on est d'accord. D'abord, ils ont battu les Slovaques Dradva Varkova, 21-14, 21-11. Ensuite, les Italiens Bailetti Corsini, 9-10. Puis, le match le plus difficile des poules sur le papier. Maggie, Ryan, les Irlandais, ils gagnent 12-17. Benoît, s'il y a bien un moment où il n'y a rien à analyser, c'est bien celui-ci, comme souvent les poules dans cette compète, quoi. Oui. Merci. Il est temps qu'on passe tout de suite plus loin, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, je crois. Oui, et puis surtout, je vais pas m'attarder, sur les autres poules, puisqu'il y a autant d'enseignements à retenir que sur la première, c'est-à-dire rien, oui. Puisque il y avait juste une poule intéressante. Benoît, on va peut-être en parler vite fait, surtout un match intéressant, c'est Ellie Smith, dont on a parlé dans notre dernier épisode, puisque normalement leur classement ne devait pas leur permettre d'être là. Puisqu'ils étaient la troisième paire britannique, ils ont été choisis pour être envoyés quand même, et ils nous ont prouvé tort dès le deuxième jour en tapant les Allemands Lamsus là-haut, 16-21, 21-17, 21-10. Est-ce qu'ils nous ont prouvé tort en étant meilleurs que d'habitude? Est-ce que les Allemands, et notamment Lamsus dont on a parlé tout à l'heure, est pas au niveau? Un peu des deux, je pense. Je partage ton avis, un peu des deux. Les Smiths, là, ils nous ont montré quand même qu'ils étaient capables, en tout cas, de jouer à un niveau de top 20 mondial, voire top 15. De top européen, il n'y a pas de doute. Mais effectivement, Lamsus Low, j'en parlais de Lamsus dans le double homme ces derniers mois. Tout est compliqué pour eux, donc c'est aussi à mettre en perspective. Mais on a vu que Ellie Smith, on va reparler tout de suite, était revenu à un bon niveau. Mais ça n'empêche pas que j'ai pas changé d'avis. Hein. Si t'as pas fait les résultats pour être là, pourquoi serais-tu là? Exactement. Et par contre, avec cette victoire contre les Allemands, moi je me suis dit qu'ils donnent exactement raison à la Fédé, parce que pour moi, c'est ça, pour ça qu'ils ont pris, c'est que sur un match, bien sûr, ils peuvent encore avoir le plus haut plafond. Après, je suis d'accord avec toi, ça ne légitime pas le fait qu'ils soient là. Pour moi, ils auraient quand même Je suis d'accord avec toi, la Fédé doit regarder ça en se disant Ewan et qu'est-ce Benoît, qu'on est fort. One Shuttle, on les emmerde. N'empêche que les Smiths, ils font demi. Voilà. Exactement. Alors, on va passer à la partie éliminatoire. Bon, alors, le quart des Français était dans la lignée des poules. Ils ont battu les Serbes, Tomic, Wittmann, 21-14. Parce que du coup, avec cette victoire d'Ellie Smith, en bas, il y avait Maggie Ryan, Tabellin Peak, Christiansen Boyeux et Lamsus Low. Que des paires où t'es sûr que tu les prendras pas avant la finale. Le tableau était quand même assez cadeau. Ouais. Tu n'avais pas le droit à l'erreur contre Ellie Smith en demi. Et Benoît, je sais que tu as envie de parler de ce match, il y a beaucoup de choses à dire. Les Français le remportent 21-18, 14-21, 21-18. Mais oh que c'était dur. Ah, oh, ça a été miraculeux, je l'ai employé pour Christo, je pourrais l'employer là aussi pour Tom et Delphine. Ils s'en sont sortis presque à l'expérience, j'ai envie de dire. Sans être brillant, franchement, c'est même après coup, c'est difficile à se dire que Tom et Jikel se sont sortis de ce match, parce que Marcus Ellis et Lauren Smith, ils ont fait un match franchement quasi parfait. Tactiquement, vraiment, moi je trouve qu'ils ont posé beaucoup, beaucoup de problèmes aux Français, notamment à Delphine Delrue. On n'a jamais trouvé les solutions pour s'en sortir, et pourtant, le score dit le contraire. Mais peut-être la constance dans les moments chauds, notamment dans le premier et dans le troisième, qui nous a aidés. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est presque pas mérité en fait. Ouais, bah alors je suis totalement d'accord avec toi, surtout avec ta dernière phrase. C'est dur, hein. C'est pour moi la meilleure paire n'a pas gagné pour ce match, et ça me fait du mal de dire ça. Hein. J'ai du mal à expliquer cette victoire. Alors là, je sens que je vais peut-être me faire détester. Je m'explique un peu. Je suis d'accord avec plus ou moins, bon, même tout ce que t'as dit. Hein, sauf pour le match quasi parfait des Anglais. En fait, ils ont été solides, mais il leur a manqué le petit grain de folie qu'ils auraient pu avoir avant. Et en fait, il leur a manqué de la confiance, je pense. Et si tu tombes contre une paire un peu meilleure, jamais tu passes. D'ailleurs, la finale prouve que j'ai un peu raison. Mais moi, je serais peut-être un peu plus sévère avec toi, et surtout avec. J'ai vu quelques avis sur le Discord, et je salue ceux qui échangent. Je vous ai trouvé, les gars et les filles, un peu clément avec les Français, parce que la performance, elle est vraiment pas convaincante. Alors, on va me dire, mais il faut gagner ce genre de match. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que quand t'es pas bon, il faut gagner. Après, t'as le droit d'être bon aussi. Et là, le niveau, moi, ça m'inquiète plus qu'autre chose, ce que j'ai vu de Tom Jikel et Delphine Delrue cette semaine. T'es pas champion d'Europe avec ce niveau-là? Non, d'ailleurs, tu l'es pas du tout, puisque on va faire une transition vers la finale, où ils ont perdu contre Tabellin Peak, les Hollandais, 21-10, 13-21, 21-13. Benoît, les Français ont fait le même genre de perf que la veille, j'ai trouvé, moi. Sauf que tu tombes contre une paire largement meilleure. qui fait pas la semaine de sa vie, mais une semaine exceptionnelle en termes de niveau de jeu. Ouais, mais dans la lignée de ce que les Hollandais font dernièrement, je trouve. Enfin, je veux dire, ça sort pas de nulle part, tu vois. Non, non, ça sort pas de nulle part, mais c'est surtout dans la lignée de ce que font Tom et Delphine. C'est qu'il n'y a aussi pas eu de sursaut d'orgueil. Et là où, si je devais comparer à Zheng Wang, le jour où ils s'en sortent un peu comme Tom et Delphine l'ont fait en demi, tu sais que le lendemain, ils gagnent 12 et 12. Tu vois ? Voilà. Et bah, notamment contre Tom Olympique en finale des IFB. Voilà. Non, mais Tom et Delphine, ça aurait pu leur mettre un coup de pied, leur faire retrouver la confiance. Mais en fait, ils ont, dans cette finale, ils ont manqué de constance, de consistance. Tellement de fautes, de longueur notamment dans le premier set. T'étais là, j'avais envie de m'arracher les cheveux. Et puis pas un pour rattraper l'autre. Y a rien qui allait en vrai. Enfin, ils gagnent un set, mais globalement, c'est une ultra domination des Hollandais. T'es passé à côté d'une finale encore. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ouais, comme toi, c'est pour ça que je suis. J'ai vu sur le serveur, sur le serveur, qu'il y avait des messages cléments. Je l'ai pas forcément été, mais enfin moi je trouve que c'est quand même justifié. Alors oui, tu fais une finale, mais pour moi c'est pas suffisant quand t'es Tom et Delphine. Et Benoît, pourtant, il y a deux niveaux de lecture. Il y a ce que tu dis, effectivement c'est très vrai, le fait que ils aient jamais encore gagné de championnat d'Europe, alors que le niveau a pas toujours été excellent face à eux, c'est clairement pas normal. Et il y a un autre truc, c'est que je trouve que vu leur niveau cette semaine comme les semaines d'avant, finale, c'est, on emploie beaucoup ce mot, miraculeux, peut-être pas miraculeux, très bien payé je trouve. Et je trouve que c'est bien parce qu'ils ont eu un tableau clément, hein, parce que tu joues Christiansen Boyeux, tu gagnais pas, tu jouais Lamsus Low, je pense que tu gagnais pas non plus, contre les Hollandais, la preuve, tu le perds, et contre Ellie Smith, qui sont vraiment pas énormes en ce moment, t'as failli le perdre aussi. Donc je trouve que moi aussi j'aurais aimé un réveil venu un peu de nulle part en finale, mais malheureusement ils ont fait un match qui est dans la lignée de leur performance récente, et je redis ce que j'ai déjà dit, mais finale et les points qui vont avec, c'est très bien payé. Ouais, je partage, c'est leur deuxième médaille consécutive dans cette compétition. Après, ils se font un palmarès, c'est vrai aussi, mais il va falloir à un moment donné ce titre. Je ne serais pas aussi dur sur Lampus Low s'ils les avaient joués, parce qu'ils sont vraiment au fond du gouffre. Et en même temps, Ellie Smith joue aussi beaucoup mieux, donc je serais un peu moins sévère, disons, sur ces adversaires-là. Maintenant, sur le contenu de Tom et Delphine, si on parle que d'eux, oui, là, je te rejoins totalement. Et on en parlait aussi en off, je crois qu'on l'avait évoqué dans un épisode, mais est-ce que c'est seulement lié à eux ou c'est lié aussi à au staff, à l'entourage ? Je sais que c'est un sujet pour toi et pour moi aussi, mais j'aimerais bien t'entendre là-dessus, parce que pour moi, je veux dire, aucune paire ou aucun joueur ne se fait tout seul, et je pense que tout ce qui est construit autour d'eux, eh ben, ça change beaucoup de choses. C'est clair, et on se rend de plus en plus compte de la valeur qu'avait Baptiste Carême maintenant qu'il n'est plus là. Alors peut-être qu'on extrapole et c'est complètement faux, mais je trouve quand même que il y a des trucs, et c'est toi notamment qui le disais sur le match contre Ellie Smith, on se disait qu'il y avait clairement des choses tactiquement qui allaient pas chez les Français, et toi et moi on n'est pas des génies du bat, donc on n'est pas les seuls à l'avoir vu, je pense que ça a dû se voir aussi, et on comprenait pas pourquoi les Français jouaient comme ça. Même enfin tactiquement ils se sont fait un peu manger par les Anglais qui ont malheureusement fait trop de fautes sur coup Marcus Ellis pour espérer gagner le match. Et pareil contre les Hollandais, sauf que les Hollandais sont beaucoup plus constants. Donc voilà, et alors que l'intelligence de jeu, c'est justement ce qui faisait la force de Tom et Delphine. Bah, c'est exactement ça. Ça a jamais, ce sera pas Zheng Wang, Tom et Delphine. C'est aussi un QI badminton hyper élevé, une capacité d'analyse, et on se le disait contre Lauren Smith et Marcus Ellis. Putain, mais qu'est-ce que t'as souffert sur le plan tactique et stratégique? Là où pourtant c'est une paire qui excelle, et ouais, c'est pour moi pas lié qu'à eux. Après, peut-être que je me trompe et qu'ils sont à côté de la plaque et que c'est qu'ils sont pas capables d'appliquer le plan tactique du coach. On n'entend pas tout ce qui se passe, mais quand même, je pense qu'on est en droit de douter depuis plusieurs semaines, et je pense que ça, notre théorie a du sens. Bah voilà, moi aussi. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que contre les Anglais, quand t'arrivais pas à finir un point, c'était quand même un peu inquiétant. Voilà, donc médaille d'argent pour Tom et Delphine. Donc au final, on repart avec deux médailles d'argent et trois en bronze. Du coup, celle de Thomas Junior, celle des Popov en double et celle de Margot et Anne en double dame. Benoît, peut-être rapidement un petit bilan. Alors, c'était dur d'attendre une médaille d'or. Il aurait fallu un miracle en mixte. Et ou alors Axelsen qui passe à côté, voire Lestoeva qui passe à côté. Donc est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu juges que c'est dans la lignée de ce qu'on pouvait attendre? Est-ce que c'est inespéré? Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que on aurait dû avoir une médaille d'or en mixte, même si au vu du niveau actuel cette finale est bien payée, on l'a dit. Mais pour moi, quand t'es tête de série 1, t'es logiquement favori, même si là au niveau des formes, moi j'y croyais clairement pas. Et puis dans un grand événement, tu te dois aussi de step up même quand t'es pas dans la forme de ta vie. C'est aussi ça qu'on va attendre de Tom et Delphine, et c'est moi sur ce point que je suis déçu. Maintenant, 5 médailles, c'est un bon bilan. On a, hormis eux, globalement, il n'y a pas de déception dans le clan français. Non, il n'y a pas eu d'exploit non plus. Personne qui a gagné le match où on n'attendait pas. Mais voilà, on a vu des bonnes choses, notamment en double dame et en simple homme avec les frères Popov. En double homme et en simple dame, j'ai même plus envie d'en parler. mais voilà, il y a avis plutôt positif, même si le fait que, puisque du coup on l'a pas dit, mais il n'y a pas de championnat d'Europe cette année, et c'est ça qui fait office un peu de championnat d'Europe. Le fait que la France n'ait jamais gagné une médaille d'or dans n'importe quel tableau dans l'histoire des championnats d'Europe, c'est un peu, et donc des jeux européens, oui. C'est un peu gênant. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi. Merci à toi Ewan, comme toujours, et merci à vous pour votre écoute. Voilà, merci à vous pour votre écoute, désolé pour le retard, je ne vais pas vous cacher que là, le mois de juillet, en tout cas de mon côté, c'est possible qu'il y en ait encore un petit peu, et après on verra si on fait une pause en août. En juillet, je pense que ce sera compliqué de faire une pause, puisqu'il y a des tournois très sympas qui arrivent, avec notamment le Canada dès la semaine prochaine. Donc il se joue dans la semaine où on enregistre, qui passe d'un super 100 à un super 500. Il y aura pas mal de français, donc je vous encourage à écouter ça, puisque ça va être très intéressant. Et ensuite potentiellement un tournoi aux États-Unis, celui-là on verra si on le fait, par contre en Corée et au Japon, 500 et 750 fin juillet, ceux-là vous pourrez nous écouter dessus. Merci à tous de nous écouter. Je rappelle qu'il y a de plus en plus de gens sur notre Discord, ça fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à le rejoindre pour venir parler BAD avec nous. Il est très très actif. Et sinon, tous les liens sur nos réseaux sociaux, etc. sont dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine, bonne journée.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由，挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头，我们的梦握在手中，绝不等候。经历这平凡的事。